Le concept du Bifort, comme chaque semaine, c'est de profiter, d'être entre nous. Vous savez, cette petite communauté intimiste qui est réservée aux gens des podcasts. Ouais. Vous voyez, Eva vient de casser sa chaise. Alors là, elle a vraiment fait le géant vert qui s'assoit. Donc je vous le refais. Écoutez, c'est Maëva qui s'assoit. Oh. Voilà, ça c'était Maëva. C'est pas vrai, j'ai essayé de me redresser, mais elle est un peu en descente et donc elle s'est barrée, mais moi je suis restée là. Mais tu sais comment ça se règle? Mais j'ai l'impression que je suis en toboggan toute l'émission. Ça se règle, regarde là. Voilà. Attends. Donc là, attends, ça donne quoi? Attends, mais tout ça pour me tripoter. Ben oui. Ah, wow. Oh, merde, attends. Voilà. Et donc là, t'as vu? Ouh. Ah, j'aime bien. Mais non, ça a pas tenu. Oh là là. Mais vas-y, tiens, comment on visse? Comment on visse? Bah, il suffit de jouer avec les manettes, il y a 3 manettes en dessous. Waouh, mais c'est bien qu'une PlayStation. Ah oui, il y en a des réglages. Hein. Non, mais c'est bien, moi par exemple, je me. Ah. Voilà, il y a ça plus a recommencé, de mais enfin. C'est fini, il n'y a plus de chaise. Merci Maëva de nous faire partager les coulisses donc, de l'émission. Dis-moi de me casser la gueule. Hein. Et vous êtes au courant? Quoi? On en est fan, on en a parlé dans l'émission, ça y est, c'est sorti. Le nouveau Indochine est sorti. Trop bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la moue? Ouais, je trouve que ça ressemble vraiment très très beaucoup à nos célébrations. Si bah je peux te permettre. Oui, mais après. Bon, c'est le même, tu vois, le même truc aigri, cri aigu là, comme ça, le même rythme. C'est du réchauffé. Non, c'est pas vrai. C'est... Parce qu'ils ont su se diversifier à travers les années. Moi, qui suis extrêmement fan, celle-là, j'ai pas. Moi, j'ai juste eu du mal au début parce que j'ai attendu minuit que ça sorte. À minuit une. Minuit pile, patate. Minuit pile, patate. Non, à minuit pile, je l'ai entendu. Et là, la voix, j'étais en train de me dire, mais. Elle me paraît loin. Oui. Je trouve que le mastering est vraiment étrange. Ouais. Et donc, j'étais là en mode, mais attends, il y a trop d'instru. J'entends plus l'instru que la voix, mais qu'est-ce qui. Et j'avais du mal, tu vois, j'étais en train de tendre l'oreille. Qu'est-ce que c'est, les paroles? Mais au final. Une écoute, deux écoutes, tu t'y fais. Non, je sais pas. Son point fort, c'est une voix très grave, en fait. Et là, il la rend plus aiguë et je n'aime pas trop ça, comme dans nos célébrations. Bah après, il a plus le même âge non plus. Peut-être oui, que ça va. Il tente d'autres trucs. Il reste à la mode. Il est en train de muer, ça y est, il était temps après 60 ans. Il va pas te faire l'aventurier toute sa vie aussi. C'est pas l'aventurier, a rien à voir. Après, il faut dire, par exemple, regardez Nostalgie, qu'il a joué 4 fois le jour de sa sortie. Mais c'est un truc incroyable, je trouve ça, c'est fort. Après, il y a la version single, qui est plus courte que la version album. Hein. La version album, c'est 5 minutes, je crois. Et au début, j'étais en mode, oh merde, la version single est un peu pauvre. Et en fait, non, elle est giga efficace. Il suffit de l'écouter une ou deux fois et après, vous vous rendez compte. Et franchement, bravo. Ça valait la peine d'attendre tout ce temps. Pas mal ce retour. Ouais. Maëva n'est pas encore convaincue, mais je suis sûr qu'on le met. Oui, bah après, donnez-nous quelques dates de concert et je serai totalement convaincue. Mais pour moi, c'est du Indochine. Oui, c'est un mix de tout ce qu'ils ont déjà fait. Et voilà. On peut pas faire de miracle, Maëva. Ah. Ah, si. Elle est bien, hein. Ouais. C'est la belle époque. Non, attends. Ah, c'est pas mal ça. Bon, bref, on a perdu tous les gens qui sont pas fans d'Indochine. Allez, bonne écoute du podcast. Mettez-nous 5 étoiles. C'est la 40e émission. On l'a faite le 19 juin. Bonne écoute. Le générique que vous allez entendre a été entièrement fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça fait peur. Bonne écoute du programme. Starts now. Bienvenue, on est avec vous comme tous les semaines. C'est votre petit rendez-vous. C'est ça. Voilà. Avec une équipe toujours fidèle au poste, heureuse de vous retrouver. Enfin, ça, c'est le sourire hypocrite qu'ils affichent sur leur visage. Mais non, c'est pas vrai. N'écoutez pas Jadoul. Non. Vous êtes tous heureux, là? Ouais. Ouais. Vous êtes tous contents? Ah oui. Pas contents? Non. Ah, si. Pourquoi? Il y a encore des radios qu'on déconne aujourd'hui. Ah bon? C'est-à-dire? Je vous l'avais prédit, hein, il y a 2 mois. Les audiences qui allaient tomber. Aïe. Vous allez tous communiquer. Ouais. La famille s'agrandit. Encore plus d'auditeurs. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous regardez chacun des postes de radio aujourd'hui. Ils ont communiqué tous la même chose. À croire qu'il n'y a pas de perdant. Non mais il faut de l'humilité à un moment. Mais les menteurs. Ils vont pas dire, oh ben les gars, vous êtes où? Vous nous avez lâchés. Bah non, juste tu communiques pas sur cette vague-là et à la suivante, si tu refais un peu mieux, bah tu communiques. Après, oui, il y a des radios qui communiqueront jamais du coup. Que tu es mauvais. Oh, mais non, on les embrasse. C'est une grande famille la radio. Hein. Mm-hmm. Bien sûr. Bande de connards. Non, rigole. Ouais, bah, c'est un peu comme ça dans les familles aussi. Hein. Tout le monde fait c'est genre, vrai. Il s'entend bien, mais derrière, ça critique. C'est ça. On est une vraie famille. Ouais. Ah, t'es comme ça toi? Non. Ok, c'est bon à retenir. Tu parles pas au pilier de bar là, s'il te plaît. Pourquoi le pilier de bar? Le pied de bar, non, le pilier. Mais pourquoi le pilier de bar? Bah, c'était pour faire la vanne, on s'entretue parce que c'est comme une famille ici. Vas-y, c'était développe. Rebondir. Non, c'était pas un bon rebondissement. D'accord. Voilà. Tu veux faire la belle magique à ma place? Ouais. T'as déjà mis ton casque à l'envers en plus aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission pleine de surprises, mais si je te jure. Ne nous fais pas perdre du rythme. On avance. Mais pourquoi tu me le dis alors? Bah parce que je veux ton confort. Je le mets toujours de ce côté-là avec le cordon de ce côté-là et c'est la première fois que tu me dis qu'il est à l'envers. Bah c'est la première fois que je te regarde. Ça me brise le cœur, vraiment. Parce que moi, je te regarde tout le temps. Mais je regarde pas tes oreilles quand je te regarde. Ah! Avec la tenue que t'as mise, c'est certainement pas tes oreilles que je vais regarder. La première chose qu'il m'a dit, c'est même pas bonjour, il m'a même pas tendu la joue, il m'a dit pas ça. Oh! Ok. Il y a du monde au balcon. Oui, bah voilà, oui. Non, mais c'est vrai, Kix, on ne voit que ça aujourd'hui. Mais je ne regarde pas Maëva, je regarde. Quand tu es célibataire, vas-y. Mais j'ai mis un petit top estival. Estival, ouais, bah là, les festivités ont commencé. Bon, bref, une équipe qui est très heureuse de vous accueillir. Donc, Maëva, vous l'avez entendu ricaner. Bonsoir, la doule. Kix qui est là. Et oui, il a enfin bonsoir. Eu une journée chargée dans sa vie. Mais enfin. Et une émission avec plein de surprises, on va zapper à la télé d'ici quelques minutes. On aura aussi la question de Maëva qui se fait se baser. Ma question, c'est une bonne question, c'est... Pourquoi est-ce que les numéros de téléphone dans les films et dans les séries commencent toujours par 555? Oui. Bonne question. Et Kix, notre invité dans l'interview combinée sera... Boulaya 242. C'est super. C'est un TikToker. D'accord. Et Snapchatter. Connu? Connu. En théorie. Tu connais ça dans cette émission? Sinon, ça va bien? Ouais, ça va. Mais tu sais qu'on essaie toujours de faire un début d'émission originale, tu vois. Oui, c'est vrai. On essaie souvent de se renouveler. Et puis, on est tombé sur Télécembre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Langue de Bois, un des derniers de la saison. Alors, petit conseil au passage pour Télécembre, quand vous ne parlez pas et que le son est comme ça... Bonsoir. C'est qu'il y a un petit peu trop de compresseurs. Juste, je vous donne le conseil parce horrible. Que c'est compliqué à entendre sur la durée. Mais bon, bref, c'est une chaîne qui se regarde puisque on a découvert leurs invités. Ils avaient une émission, vous savez, ils recevaient des gens. Et là, on a comparé avec nos débuts d'émission, nos présentations. C'est complètement différent là-bas. Hein. Sa vocation, c'est soigner les bébêtes, les grosses comme les petites. On a pu se rendre compte chaque semaine qu'il ne donne pas sa langue au chat. Il ne donne pas sa langue au chat, c'est un invité par rapport aux bêtes. Ok, oh, ah, c'est oui. Recherché ça. Hein. C'est le retour du compteur de jeux de mots. Ah. Allez, ici sans donner à cœur joie. Pour nous accompagner, un drôle de zèbre, rusé comme un renard, il monte parfois sur ses grands chevaux, enfin ce sont plutôt des poneys, mais retombe toujours sur ses pattes. Loin de vouloir crier haro sur le baudet, je salue Martial qui est là comme un coq en pâte, comme chaque semaine. Salut l'ami. Bah, c'est tellement gentil que je ne mettrai pas mon droit de veto là-dessus. Oh. Si l'autre répond en face, ça va pas, ça l'encourage. Vous voyez qu'il y a plus lourd que nous. Ouais, c'est vrai. Vous savez, ce moment où il faut s'arrêter pour que la voix ne soit bien, eux, ils n'ont pas compris. Non, ils ont tout lâché là, d'un coup. Oh là là. Et vous savez quoi? J'ai envie de démarrer aussi par ce son. À vous de me dire de quoi il s'agit. Tendez okay. Bien vos deux oreilles. Ok, just working out. C'est pas encore le morning. Qu'est-ce que c'est? J'ai une idée, mais c'est, Tu peux pas le dire à la radio. Vas-y, Maëva. Non, je sais pas, il soulève de la fonte. Un fumeur qui se réveille le matin ? Non, Kix. Okay. C'est un supporter anglais qui, dimanche, s'est réveillé à 4h du matin dans le stade vide au lendemain de Serbie-Angleterre. Alors, quand tu te réveilles 5 heures après la fin du match dans un stade vide, c'est pas ça le plus inquiétant. C'est que tu arrives à t'endormir avec 62 000 supporters qui hurlent autour de toi. Vous vous rendez compte ? Quoi ? Le mec s'est endormi pendant le match, okay. Il s'est réveillé dans la nuit. Mais c'était pas juste un petit sommeil, il avait bu un petit coin, à mon avis. À mon avis, c'était pas de l'alcool. Hein. Oui, parce que là, une bonne dose. Ouais. Avec modération, bien entendu, si vous voulez faire pareil. En tout cas, il faut voir le côté positif là-dedans. Ouais. Il a au moins évité les embouteillages à la sortie du stade. Ah, bah ça, là, il est tranquille. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Avez-vous encore la télévision chez vous, l'équipe Kix ? Ah, bah oui, bien sûr. Vraiment ? La télévision, oui. La TV, comme la je TV. Dis. La TV ! Est-ce que t'as la TV à J'ai la TV. Ah, à Namur, non. Hein. Pas dans mon logement, enfin, pas dans mon côté étudiant. Oui. À Arlon, oui. À Arlon, oui. Parce que c'est chez tes parents. Ah oui. Mais toi, solo, t'as pas la télé. Non, parce qu'en fait, il y a pas de... Dans ma chambre, il y a pas... Il y a pas la fiche TV dans le mur. Il y a rien du tout, il y a que Nenny. Hein. Et Maëva ? Mes parents l'ont, mais moi non. Oui, parce que tu n'as pas de domicile. Oui, mais ça va, non. Non, mais c'était parce que je me suis rendu compte que tout autour de moi, les gens n'ont plus la télé chez eux. Ils ont la télé, l'objet, pour regarder Netflix. Un écran. Ils ont l'écran, voilà. Mais ils n'ont pas le décodeur, la box. Voilà, je pense que le seul mec qui peut se vanter d'avoir au minimum deux décodeurs chez lui, c'est Anthony Bott, notre spécialiste technique. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Ouais, ouais. Il va être content. Ah bah là, il fait un petit cumulé de joie, on l'embrasse. Il nous reviendra prochainement. Quand, je sais pas, mais il sera là avec nous avant la fin de la saison. Ah, c'est l'avant-avant-dernière aujourd'hui. Hein. Oh, déjà. Arrête, je... Allez, on prolonge. Ça y est, je suis ému. Oh, t'as tes chaleurs. T'as tes chaleurs. C'est peut-être même l'avant-dernière puisque les buzz de la radio m'ont pas confirmé pour la date de la dernière. Mais avec ou sans leur accord, on le fera. Oui. De toute façon, c'est on quoi va qu'il pirater arrive. Le réseau et on sera là. Oui. Enfin, comme d'habitude. Bof, ça. Oui, hein. C'est... On est les pirates de cette station. Bon, cette fin de saison, on peut aussi saluer l'émission Appel d'urgence avec ce cas qu'on n'a pas passé. Le pompier ambulance. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que j'ai vraiment plus quoi faire. Okay. Pour le savoir si c'était possible. Expliquez-moi ce qui se passe, je vous dirai. Il y a vraiment une énorme araignée dans le salon. Oui, vous avez bien entendu. Elle appelle les secours pour une araignée. Mais genre, énorme. Et on essaie de l'enlever, mais... Et alors, le souci, c'est qu'elle est sur un mur, on voulait aspirer l'araignée avec l'aspirateur, mais il est tombé en panne. Quand tout s'acharne. Ça, c'est bête. Ah oui, ben, dans l'échelle de la vie avec les moyens de survie, il y a l'aspirateur et le 112. Donc, forcément, à un moment, ça coince. Et elle ressemble à quoi, cette araignée ? Je ne sais pas si je peux vous envoyer une photo, mais... Écoutez, vous pouvez toujours m'envoyer une photo. Ça commence à se transformer en discussion Snapchat, cet appel au 112. Bon, la photo est envoyée. Alors, Nicky, pour moi, c'est une araignée commune. C'est juste une araignée domestique. C'est normal. Normal, rien à dire. Elle est tout à fait normale. Il faut annoncer le verdict à la dame. Moi, je rappelle madame. Allô ? Bonjour madame. Donc, c'est une araignée tout à fait commune, tout à fait normale. Il n'y a rien d'inquiétant. Je vais voir demain. Oui, voilà. Désolée madame. Au revoir. Ben, merci quand même. Voilà, fin de l'appel d'urgence. Vous pouvez l'écraser sous la chaussure. Non, ils osent pas. Ah non, bah, je rigole, oui. Ils sont tétanisés, ils verront ça demain. Ils vont se barricader, à mon avis. Ils vont mettre le lit devant la porte. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ah bah, moi, j'ai une araignée chez moi, je ne dors plus. Ah, pareil. En vrai, j'ai jamais vécu seul. J'avais toujours quelqu'un avec moi. Et le jour où je devrais vivre seul, il va falloir que j'appelle quelqu'un. Si je peux pas, je vais pas y arriver. T'as mon numéro, Maëva. Ah, merci. Tu peux compter sur moi. Merci. Un petit dernier appel d'urgence ? Oui. Allez. Écoutez ça. La police, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Ben, écoutez, je suis envahi par des renards. Envahi par des renards ? Oui, c'est-à-dire qu'il y en a deux dans mon jardin qui sont en train de tout saccager, quoi. Deux renards ou plus ? Il y en a deux, plus la mère, le père, le frère, le soeur. Il y en a deux dans Donc mon jardin. Donc c'est une bande de renards, alors ? Une troupe ? C'est une bande de renards, oui, c'est une troupe. Vous avez déjà téléphoné aux pompiers ? Ben oui, mais ils veulent rien faire. Oui, on se demande pourquoi. Donc ce ne sont pas des renards ? Non, ce sont des renards. Mais il a un avis bien tranché, le monsieur, sur ces renards. Mais s'ils veulent ressortir par eux-mêmes, est-ce qu'ils peuvent y arriver ou ce n'est pas possible? Ils pourraient y arriver, mais je ne sais pas. Excusez-moi du terme, ils sont un peu des imbéciles. Mais vraiment, ils sont cons. D'accord. Désolé okay. du terme, mais c'est des imbéciles. Deux imbéciles. Deux renards imbéciles. Ils viennent chez moi, ils sont bêtes, ces renards. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles. Allez, sortez. Mais voilà la question du jour. Pourquoi les numéros de téléphone dans les films et les séries américaines commencent souvent par 555? Une idée, Kix? Pas du tout. Je ne sais pas. Non, vraiment, j'ai pas d'idée. Bah, un 5, peu 5, un 5, truc peut-être. De Satan comme ça. Un peu. Peut-être que justement c'est un préfixe qui n'existe pas là-bas et donc ça permet à ce que les gens peut-être dans un bassel n'appellent pas ce numéro-là. Les renards par exemple. Les renards par exemple. Allez, on essaye. On va essayer tout de suite. Tu es dans le bon, Jadoul. Je suis dans le bon. T'es dans le bon. C'est, oh. C'est une des premières fois, mais waouh. Bah écoute, on va avoir les explications dans un instant. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul en podcast. Bien, voilà, merci Simone. Bienvenue, on est là pour vous accompagner comme chaque semaine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Coucou. On est survolté, hein. Il y a une de ces ambiances sur antenne. Ouais. Bon, ça va quoi. C'est le soleil qui nous tu met. Tu tires la peu... gueule pendant 10 minutes, puis Kix dit un truc absolument nul, et toi t'es là. Et voilà. C'est ça ce qui se passe en antenne. Moi, je tire la gueule. Non, mais voilà, tu tires pas la gueule. Mais je suis la bonne humeur incarnée, moi. Oui. Hein, il faut le titiller un peu. Ouais, c'est. Bon, y a des jours où on est moins dedans. Mais c'est normal. J'ai pas fait ça sur un reproche, mais le fait que je te parle depuis tout à l'heure, j'essaye d'être gentil, et lui, il dit un truc, mais oh, je sais même pas le répéter. C'était nul, et toi, nickel. Et je me dis, mais Maïva, je ne pourrais jamais comprendre les hommes. C'est ça le problème. Ça intéresse les gens la minute qu'on vient de faire. Hein. Mais. Je suis de bonne humeur, ok? Ok, on va essayer de conserver ça. Merci. aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais on fête les 17 ans de YouTube dans notre pays. Waouh! Wow. YouTube, 17 ans. Pas wow. mal. Pas mal, ouais. Bon, j'aurais dit tous... plus, mais... Ah non, comment tu veux plus? Moi, bon, je sais pas, j'ai l'impression que ça date depuis bien plus longtemps, mais bon. Ah non, on l'a eu quand on était gamin, donc ça, c'est à peu près cohérent. Hein. J'étais déjà grande, en fait. Oui, ouais. Puisque t'as eu un Skyblog, toi, donc... T'avais déjà 30 ans. Et on se demande tous, là maintenant, avec cette info, que devient l'ancien président français François Hollande? Mais pourquoi? Aucun rapport. Ah ok. Bon bah. Mais alors, demandez-vous. Mais... que devient Flamby? Oui, c'est ça. Alors, quand on est président, surtout François Hollande, la moindre des choses anodines qu'on fait, nous, ça paraît surréaliste avec lui. Ouais. Par exemple, là, il était au marché de Tulle. Il mangeait une crêpe avec sa main gauche et il serrait la main des commerçants avec sa main droite. Très bien. Ça va bien. Merci. Et là, il se rend chez la bouchère pour commander... une pintade. Je vais vous prendre une pintade, moi. Vous aimez ça? Non, mais c'est du poulet. Que du poulet? Oui. Bon, on va prendre le poulet, alors. Ah, défaut de pintade. Et même quand on est le président, il faut payer. Vous n'avez pas de carte. Ah, bon, je prends pas la carte. Ah, il prend pas la carte. Ok, bon. Il a abandonné le poulet et puis il a fini sa crêpe et il repassera plus tard pour payer en cash. Ah, c'est un sketch. Il est fou, il est génial. Mais c'est François Hollande, quoi. Ouais. Non, mais c'est fou que je me disais bien que toute cette pluie en Belgique ces derniers jours, c'était parce que François Hollande avait remis le nez dehors. Oh, mais dis. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'il sortait, il pleuvait. Ouais, c'est ah vrai. Bon, j'ai pas ce fun ah fact. Non. Ah bah, non. Il porte un peu la poisse. Mais juste, c'est un sketch. C'est marrant parce que tu tapes François Hollande pluie, Google Images est rempli de ça. Alors que François Hollande soleil, 3-4 oui, résultats. Ça, ouais, on l'a moins. La page réclame qui va suivre... vous êtes offerte par Radio Falminioul. Vous souhaitez installer une clôture pour protéger votre propriété et la mettre à l'abri des fêtes laïques de la jeunesse. L'entreprise No Clôture de l'hôpital, c'est le professionnel régional qui questionne le monde végétal pour l'aménagement extérieur de votre habitat, qui vous proposera des solutions personnalisées en accord avec vos besoins et votre budget. Depuis 2009, le patron sur chantier attise la curiosité des touristes et surprend la population avec ses poses de clôture tout type et installations de portails manuels ou automatisés. Fort d'une longue expérience dans le domaine, troisième génération de mécaniciens automobiles est garant de votre entière satisfaction. Sont aussi de la compétence de nos clôtures, pédicure en vue de préparer le terrain pour tout projet de construction ou d'aménagement. démontage pour enlever une ancienne Bernadette. Problème moteur, frein, échappement, courroie de distribution, remplacement pneu, joint de transmission. N'hésitez pas à former le 0 470 75 78 16 47 15 16 pour renseignements ou devis gratuits. Numéro d'appel de l'entreprise No Clôture, joignable aussi par courriel contact@grainesd'arc-en-ciel.be et visitez le site rainbow.be. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Écoutez ma belle voix, suave et envoûtante. Profitez-en, parce que Jadoul est de retour. Et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh. Jadoul et son équipe, tous les mercredis. Et pour la 40e fois cette saison, Maëva de retour pour le Fallait nous le dire plus tôt. Yes. Je suis contente, moi maintenant j'aime bien. Tu voulais que j'arrête de le faire, mais. Enfin, non, je voulais arrêter de le faire. Il me semblait bien, parce que moi j'étais pour. Ouais. Hein. Non, mais c'est grâce continuer. À toi, tu m'as donné l'élan, tu sais, comme derrière une balançoire. Tel un bon producteur. Voilà. Il porte et il couche. Il porte et il soutient. Voilà. Pourquoi les numéros de téléphone dans les films et les séries américaines commencent souvent par 555? Bah, Jadoul avait presque déjà la réponse. Ouais, donc, bon. On va la rappeler, j'ai dit que c'était parce que c'était 555, c'était un préfixe qui n'existait pas. Mais c'est ça. Bah voilà. Je vais arrêter. Wow, wow. Je voulais pas gâcher ma séquence, donc j'ai pas dit oui tout à l'heure, mais en gros, oui, c'est ça. C'est réservé. Enfin, c'est fictif, c'est pour Hollywood en fait. Okay. Et donc ça évite de donner de vrais numéros, de vraies personnes. Et les fans, ils peuvent pas le déranger à n'importe qui. T'imagines, on met par hasard ton numéro dans un film et puis on t'appelle bonjour, c'est vous, Brad Pitt. Voilà. Par exemple, dans le film Ghostbuster, donc SOS Fantôme, pour appeler des chasseurs de fantômes, ça commence par 555. Le numéro de Dieu dans Bruce Tout-Puissant, c'est aussi un 555. Le numéro de Joey dans Friends aussi, c'est voilà. C'est toujours comme ça, c'est des faux numéros. Donc n'essayez pas de les appeler, ça sert à rien. Et comme ça, vous saurez que si vous voyez un 555, c'est que ce numéro n'existe pas. Il aura fallu attendre la saison 2, la 40e émission, pour que je trouve la réponse au « Fallait nous le dire plus tôt ». Donc la séquence ne reviendra jamais, étant donné que c'est plié maintenant. Ah, c'est pour ça que tu voulais qu'elle dure. Oui, okay. Jusqu'à ce que je trouve. Ah ben oui. Maintenant que j'ai trouvé, c'est fini. Oh non. Ok, ça revient la semaine prochaine. Chouette. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis. On va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Et comme chaque semaine, oui, il est de retour. Pour votre plus grand plaisir, pour le bien de votre avenir, pour le bien de votre conscience, notre voyant bien-aimé Dominique Vegas est là pour son Végastral. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jadoul, je suis la star des astres et le désastre des voyants. Bip. Bip. Bip. Attendez, qu'est-ce que vous faites Dominique? Pourquoi vous me faites des clins d'œil en faisant bip? Eh bien, je suis un voyant. Bip. Ah oui. Bip. Compris. Oui. Comme les feux clignotants d'une voiture. Oui, oui. Pip. Non. Pip. Non, pip. Non. Pip. Non, bip. Je fais toujours cela pour attirer mes proies. Des non, comme ça. Arrêtez les proies. De quoi? Des proies. Non, ne faites pas l'innocent Jadoul. Enfin, commencez voir, ressentir une certaine attirance. Jadoul, vous la sentez, cette attirance qui arrive? Vers la porte de sortie? Non, du tout. Vers moi. Ah, non, non, non. Non, non. Là, mais vraiment. Non, j'ai pas l'intention d'en avoir non plus. Hein. Non, non. Dominique, vous êtes ici pour la voyance. Oui. Quel est le signe fort cette semaine? Je vois que le blond ici n'est pas réceptif. Heureusement que je ne fais pas de l'hypnose. Ce serait déjà en prison, bien évidemment. Oui, ça va, allez. Oui, oh, ça va, Jadoul, ça va. Bon, le signe du jour est cancer. Hmm. Vous battez les cartes sur la table, elles vont fort les cartes, non? Oui, mais oui. Bon, ah oui, voilà, voilà qui est intéressant. Waouh. Les astres mettront en lumière les divergences de vues importantes avec votre famille. Ne prenez pas trop à cœur ces différences de valeurs, même si elles vous paraissent fondamentales. Faites l'effort de les ignorer. Au travail, vous n'aurez aucune peine à atteindre vos objectifs, monsieur Zadoul. Vous n'êtes pas cancer, monsieur Zadoul? Non. D'accord. Aidé par votre ingéniosité et votre sens de l'adaptation. Ne vous égarez pas sur des détails qui ne feront que vous faire perdre du temps. Merci Dominique. Je n'ai pas fini de poursuivre. Okay. Donc tout ira bien aujourd'hui pour vous les cancers, bien évidemment. En même temps, il est déjà 20h. Non, ne faites pas les cons à 3h30 de la fin de la journée, sinon ça foutrait toute ma prédiction en l'air. Oui, c'est mieux. Ah ben oui, non, il ne faut pas, il ne faut pas. D'ailleurs, vous êtes le seul mec qui donne l'horoscope du jour à 3h de la fin de la journée. C'est bien de le relever, c'est bien de le relever. Oui, bon. Dominique, le conseil en plus, celui que vous appelez celui en sus. Ah oui. Le petit plus de Dominique. C'est ça. Évidemment, faites un effort pour rester détendu lorsque vous prenez le volant. Vous êtes trop agressif, un petit peu comme Maëva en voiture, et ce n'est pas la peine d'écouter Elvis Presley. Car vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dans tous les cas, vous roulerez quand même à 180 sur le 411, avec que deux pneus qui touchent la route dans les virages. Rappelez-vous que c'est dans l'excès qu'on casse son frein. Oui, ça va. Alors, Dominique, merci. Avec plaisir. Maëva est mise en garde, donc. Qui est cancer, on le rappelle. Oui. Voilà. Remercie Dominique. Merci Dominique. Un petit bisou sur la joue. Non. Allez, un petit bisou. Faites pas semblant, ça vous intéresse pas. Ah non, bien sûr qu'elle m'intéresse pas. Et moi, si je vous fais un bisou. Même si elle a un gros décolleté. Vous savez que vous avez mis le même décolleté hier. Oui, bah c'est à vous la robe, d'ailleurs. Oui. Et moi, si je vous fais un bisou, Dominique. Ah bah là, c'est tout autour. Oui, il y a mon Zadoul. Ok, non, ça va, c'est... Oula. Dites-nous au revoir, quand même, s'il vous plaît. Oh. Cassez-vous. Oh. Allez, je le dis pour vous. Au revoir, soleil. Au revoir. Oh, Zadoul. Oh, c'est... Oh, ça mais arrêtez, on dirait que vous êtes en train de me... Bonsoir, la lune. À l'aide. On va avoir des problèmes, là. Si ton poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. Bingo ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout, en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. On ne s'arrêtera jamais de ce jingle. Voici l'interview Combini. Enfin. Combini. Combiné chez nous, puisqu'on prend les questions qui ont été posées par le média Combini, on en garde les réponses, mais nous on fait des questions plus drôles. Et c'est ça. Et l'équipe est censée être drôle. On essaye. Avec le micro allumé. Oui, on essaye. On essaye. Et pas... si vous n'êtes pas drôle, qu'est-ce qui se passe? On se prend un coup de Combiné. On change cette semaine, c'est une PC. Non, je plaisante. Un petit coup de Combiné. Ouais. Okay. Le Combiné téléphonique est prêt. Par contre, quelqu'un a des nouvelles de notre invité parce que j'ai pas. Bah de... Putain, il m'a fait peur, celui-là. Il vient d'où ? Ne refaites plus jamais ça, hein. Comment est-ce que vous vous appelez, monsieur ? Boulaïa 242. Okay. C'est une plaque d'immatriculation. Oui. Et vous faites... Bah non ! J'ai dit stop ! Vous faites quoi dans la vie ? Ah, régular ! Allez, bon. On y va, okay. On va démarrer. Insupportable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc Boulaïa 242, un Snapchatter. Waouh. Un Snapchatter. Waouh. Si jamais l'équipe qui bosse sur cette émission, trouvez-moi des personnalités que les auditeurs connaissent un minimum. C'est vrai. Une fois, on a pris la coiffeuse de je sais pas qui. Enfin, je dirais un moment. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec du talent aussi, un peu de préférence. Oui, oui. Ça se trouve, la dame, elle coiffait bien les cheveux, lui. Bah voilà. On y va. Première question, Maëva. La vie. C'est pas facile, des fois, c'est relou même. Ça fait un peu dépression. Oui, là, je me suis inquiété pour toi. Là. Tu veux un petit tabouret? Oui. J'ai vu tes yeux fatigués là, et je me suis dit, oula. Mais en fait, non. Ça... Mais oui, je suis fatiguée, mais en fait, j'ai mes lentilles qui piquent. Voilà, c'est tout. Ah, ça va pas mieux. Dommage. Kix, quand tu es dans une salle d'attente et que ton ventre fait du bruit. C'est pas facile, des fois, c'est relou même. Non, toi, t'as un vrai problème sur les bruits. Merci. Non, mais faut savoir que Kix est flippé de tousser, se moucher, ouais. Parfois respirer un peu fort en public. Ouais. Il peut passer 3 heures dans le train sans se moucher. Ouais. Ou sans tousser quand j'étais malade, du coup. Sans tousser. Donc, ça veut dire qu'il est comme ça durant 2h30. Vraiment, dites-vous, hein. Pardon. Non mais c'est vraiment ça. Non mais je peux comprendre. Moi c'est manger, boire en public, c'est horrible. Oui, parce que toi tu rôtes et tu te graches les biches. Mais n'importe quoi. Non. Mais pas du tout. Non mais quand t'es malade et que tu tousses, bah, c'est pas ça. C'est, ouais, mais c'est pas glamour, on va dire. Mais tu tousses pas sur les gens. Non mais bon, t'es là, t'es propre. Mais non, tu fais pas ça non plus. Mais tousser une bonne fois que faire. Ça c'est chiant. Ça c'est super chiant. Il y a quelqu'un qui s'étouffe d'ailleurs dans le train. Ou se moucher plutôt que de faire. Deuxième question, Maëva. Tu vends où tes photos de pieds? TikTok, Snap, Instagram, Twitter. Nickel. Mais c'était pas à Kix la question. Chacun l'interprète comme il le veut. Kix, justement. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine s'il n'y a plus de radio? TikTok, Snap, Instagram, Twitter. Les pieds du goût. Ouais. Ok. On y revient. Drôle, vous êtes drôle là. Pédikix, ça s'appellera. Wow. Pas mal. Je note. Ouais. Vends-lui surtout. Troisième et dernière question, Maëva. Aux Pays-Bas. Ça fume et ça fumera toujours. C'est vrai. Ouais. J'étais à Amsterdam, ça sentait partout. Ouais. Ouais. C'est horrible. T'as l'impression de fumer alors que tu te fais juste balader. Oui, c'est ça. Mais totalement passivement, tu es shooté. Quoi. N'importe quoi. Dans la... Mais arrête. Mais si. T'abuses. Mais t'as des rues où t'étais sur des terrasses, mais tu t'imagines pas. Des terrasses, t'as tous des bobos là. Et tout le temps là. Ça va te détendre un peu. Aïe! Kix? Alors. Attention. Qu'est-ce ça fume, ça fume et ça fumera toujours. Voilà. Non, allez, on le fait sérieusement. Qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre de Baptiste qui n'est pas nette? La musique me prend parfois. Merci à tous. On l'a fait sérieusement? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre de Baptiste qui n'est pas nette? Ça fume et ça fumera toujours. T'es pas net, Baptiste. Mais si, c'est du feu. Net. Bah oui. Voilà. Pardon. C'est ton ami, non? Oui. Merci. Allez, merci. J'espère que vous avez joué avec nous, hein, de l'autre côté de la radio. Hein. Ce jeu se veut interactif. Hein. Le problème, c'est qu'on vous entend pas. Donc, mais vous pouvez le faire de votre côté. Ou alors, il faut aller sur le boulevard et crier très, très, très, très fort. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai, ça. Hashtag Jajadoul. On a dû le dire avant le jeu, ça. Ou Jadoulito sur TikTok. Jadoulito, c'est vrai, mon TikTok. On avait oublié ça. Allez me suivre, tiens. On fera peut-être des lives pour la dernière de la saison dessus. Pour la dernière, oui. Voilà, ce sera sympa, ça. Surprise en live. Ouais. Ben, on vous prépare du très, très, très, très grosse émission, là. Donc, ce que j'espère, c'est qu'il y aura des burgers et après, le reste, je serai là. Évidemment, Maëva, il y aura des burgers. Il y aura des oignons. Il y aura des oignons. Ah, yes. Ce sera donc une émission aux oignons. Yes. C'est Jadoul. En podcast. Ah, un jeu de la chanson. Yeah. C'est la première fois qu'on le fait aussi tôt dans l'émission. C'est vrai. Ouais. D'habitude, on fait ça quand plus personne n'écoute. Oui. Là, on prend un risque. Vous devez être drôle. Alors, je vous explique. Hein, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, celui-là. C'est le jeu dis non. La chanson originale nous est parvenue par Tristan Moreau. Toujours demander la permission. Je dis non. Faire ses devoirs, retenir ses leçons. Je dis non. Eh bien, vous devez trouver à chaque fois des nouvelles phrases et on gardera juste le. Je dis non. D'accord. Ouais. Et être en rythme. Oui, ça aussi. De préférence. Et donc c'est une phrase sur deux. Chacun. Oui, c'est ça. On fait le tour de table, tout simplement. On est trois aujourd'hui, donc ça va être à la cool. Vous êtes prêts? Oui. Si vous bafouillez, si vous ratez, on recommence. On fait Maëva Kix, Maëva Kix. Ça te va? Ça me va. Sûr? Certaine. Je dis non. Allez, on y va. Je dis non. Les mecs qui s'habillent chez Decathlon. Je dis non. Oh bah alors. Se prendre en pleine face des postillons. Je dis non. Oh. Les vieux qui répètent, y'a pas de saison. Je dis non. Y a pas de saison, hein. Porter le nom de François Fillon. Enfin. Je dis non. Oh. Je dis non. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non. Je dis non. Je dis non. Vous en avez encore un peu? Oh oui, moi j'étais partie. Ah, elle était encore en route, elle. T'en as encore, Kix? Ah, peut-être encore une idée. Allez. Moi, bon, attends. Voir toujours les mêmes têtes de cons. Ok, c'est bon, on peut y aller. On y va. Je dis non. En plein acte trompé de prénom. Oh, je dis non. Bernard, avoir des problèmes de connexion. Je dis non. Vous prendre toujours pour des pauvres cons. Je dis non. Moi non, moi aussi. Et avoir des problèmes d'érection. Quoi? Je dis non. Non, je dis non. Je dis non. Je dis non, non, non, non, non, non. Je dis quoi? Je dis non. C'est Maëva qui me l'a soufflé, celle-là. Non, ah oui, mais on sait qu'elle a des problèmes, non. Et quand se termine la chanson, je dis non. Non. Mais si. Cette fin. Waouh. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Bah, tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de souci. Ouais. Les deux gugus que vous venez d'entendre, là. Oui. Oui. Je les ai rencontrés dimanche. Arrête. Ah. Je vous jure. On peut les rencontrer aussi. Bah vous venez, oui, quand bah, vous tu voulez. Nous invites jamais, tu vas sans nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis allé. Je ne préviens pas. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est la fin de saison, on peut se raconter le truc. Hein. Allez. Soyons fous. On a tout piqué dans une radio locale. C'est tous des trucs qu'on a été enregistrés sur une radio locale. Et j'ai été les voir dimanche. Et j'ai été rencontrer le monsieur là qui fait un beau morceau de gâteau. Et la Luce là qui nous fait, vous savez, toutes ces voix qu'on met avant les titres. Eh bien, maintenant, nous écoutons Twist and Co Short. Eh bien, incroyable. Sachez qu'elle est le sosie déjà physique de Paul Naref. Je ne m'attendais mais vraiment pas à ça physiquement. Mais c'est fou. Et il y a aussi, vous savez... l'autre, là, l'autre voix qu'on connaît aussi très très bien, ouais. Le monsieur, attendez, je vous... Que tu cherches? Je suis en train de vous chercher le son. Je suis en train de le chercher dans le répertoire. Ah bah c'est du live. Hein, C'est celui qui dit un bon morceau de gâteau. Oui, c'est oui, ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Merci à tous de vos appels. On va danser maintenant avec Catalane del Casino. Donc voilà, c'est ce monsieur. Et ils sont juste adorables. Mais l'accent c'est des est... amours. L'accent mais ils est ont formidable. Un espèce d'accent, et je ne sais pas d'où il vient... Et c'est vraiment magnifique. Et je trouve ça génial. Il y a une de ces ambiances là-bas. Eux, en fait, eux, ils savent ce que c'est la vraie radio. Ouais. Nous, on se prend la tête. On leur doit tout. Eux, ils se prennent pas la tête. Ouais. Eux, tous les curseurs sont à fond. Voilà. Faut que ce soit dans le rouge. Hein. Et pour lancer une musique, pourquoi est-ce qu'il faut tout de suite que la musique soit dans le tempo, genre, et on écoute tout de suite Gims? Pas du tout. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Eux, ils ont compris. Ils font... Et on écoute tout de suite Games. Voilà, et ça fait le taf. Au final, on lui a demandé de passer de la musique. On leur a pas demandé de faire de... L'animation. Donc toi qui as été sur place, comment ils font pour mettre des sons? Est-ce qu'il faut venir soi-même avec des CD ou... Alors ça, c'est fou. Sur cette radio, ouais. Vous n'avez pas le droit de prendre les CD de la radio. Il y a des CD, il y a des armoires remplies de CD. Ok. Et vous pouvez pas les prendre pour les diffuser. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à la radio. Tu peux pas les prendre. Mais c'est pour l'antenne. Non, non. Tu peux pas les prendre. Tu vas voler décoratif. Les disques. Tu vas voler les disques. Enfin. Donc tu dois venir avec tes trois valises de CD. Là-bas, Spotify, ça existe pas. Ah, ouais. Alors ils ont le YouTube. Ah, mais il y a des pubs. Ah oui. C'est pas grave. C'est pour ça qu'ils animent longtemps. Oui, c'est pour ça, quand t'as une pub qui va démarrer, eux. N'oubliez pas également, vous les auditeurs et auditrices, que toute la série de dédicaces de la lettre C se termine fin juin. Un grand merci de votre compréhension. Nous écoutons maintenant Régine. Non, on va écouter Maëva, c'est le cinéphile maintenant. Exactement, je vais vous faire jouer en faisant deviner des films. Vous êtes prêts? Oui. Ah oui. Donc premier film, enfin comme d'habitude, hein, je vous donne trois extraits. C'est parti pour le premier extrait. Tyler, vous êtes de loin l'ami à usage unique le plus intéressant à qui j'ai pu parler. C'est mon idée fixe. Tout dans un avion est à usage unique, même les personnes. Ah, j'ai pigé. Réfuté comme idée. Merci. Ah. C'est un dur. Franchement, je vous le dis, c'est un dur. Un dur. Sylvester Stallone. Ouais. Non, c'est pas non pas le gars, le film. Pas ah, le jeu de ce film-là. Attends, mais c'est un film déjà hyper méga. C'est un film hyper méga super connu. Mais voilà. Deuxième ça extrait. Ça me dit rien. Oui. Je veux que tu me rendes un service. Ah oui, bien sûr. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Quoi? Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Bien déjà, c'est une VF. Donc, ouais. C'est un film américain. Oui, oui, oui, oui. J'ai pas d'idée, non. Je pense qu'on va attendre la troisième et puis... Alors, le troisième extrait, vous allez voir. C'est décisif. Mais préparez-vous à buzzer. On va entendre, surtout. Bonjour, bonjour. C'est parti. La première règle du Fight Club est... Il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est... Il est interdit de parler du Fight Club. Eh bien, j'ai buzzé parce que je dirais Fight Club. Ah, merci. Mais oui. Quoi? Je connais pas. Bah, tu pas connais pas Fight Club? J'ai juste dit Fight Club parce que t'as fait. Enfin, okay. Mais alors, tu ne l'as jamais vu, c'est une chose, mais tu connais pas Fight Club. Le de nom, t'as jamais entendu parler avec Brad Pitt. C'est une chanson de Simoni, c'est très bien d'ailleurs. Jack. Le Jack? Allez, Jack. Voilà, je vais chercher la chanson sur ce temps-là, vas-y. Ben là, on fait la radio à l'ancienne. Mais en vrai, alors, c'est un film hyper connu, hyper renommé, que tout le monde voilà, connaît. Moi, okay. C'est un truc à voir une fois, vraiment. Moi, j'ai été mitigée, mais voilà, je suis choquée que vous n'ayez jamais entendu parler de ça. Fight Club. Ok, ah ouais. Ah, mais si, j'ai déjà vu des photos. Mais en fait, t'es sur Google, là? Et dont l'extrait, oui. J'ai envie que tu me tapes. En fait, c'est ça, le Fight Club, c'est un club où ils se bagarrent, mais bon, il y a tout un truc à voir derrière. Ah, ça a l'air bien. Voilà, c'est un film assez surprenant, je conseille. Si j'ai trouvé la musique. Vu. Vas-y, montre-moi. Dont je parlais, attends. Petit prince se prépare avant d'étroit, révolté par l'état, on se sent à l'étroit. C'est quoi ça? C'est Simoni, Fight Club, c'est le titre. Combattre le froid, regarde-moi dans les yeux, moi je t'écrase pas, je te broie. Allez vous faire enculer, j'ai replié sur les. Mais t'écoutes ça? Bah après, c'est. La mienne, là, j'irai, viens pas me raconter. Attention, refrain. Attention, je vais tirer dans le tas. Je ne suis pas les règles, je veux dépasser le maître. Tiens que quand je suis le best, que j'essaye de rester le même. Je ne suis pas les règles, je veux. Voilà de la boulette! Sortez les briquets! Voilà, refrain. Promets-moi de ne pas pleurer quand je pars. Mes démons s'invitent de mes enjeux. Parfois ce n'est pas moi quand je parle. Oh, crois-moi quand je pars. Promets-moi de ne pas pleurer quand je pars. Ok, mais Eva n'aime pas, elle valide pas. Merci. Voilà, c'est le seul commentaire que j'ai. Bon, mais ça fait un point pour Jadoul qui ne le mérite pas, mais bon, ça, on a l'habitude. Oui, ça va. Manche numéro 2, j'ai aussi 3 extraits, sauf que c'est moi qui vous les lis. Okay. Voilà, qui vous les dit sans aucune intonation. À vous de deviner. Extrait numéro 1. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Ok. Personne. Okay, super. Non. Extrait numéro 2. Dis, on t'a jamais dit. Oh, pardon, désolé. Bravo. C'est très bien. Comédien de l'Arte. Devant tout le monde à la messe. Dis, on t'a jamais appris. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai oublié un mot. Attends, on va la refaire. Oui. Kik, c'est le réalisateur qui nous fait un moteur, oui, action. Merci, pour demain. S'il te plaît. 3, 2, 1, et action! Dis, on t'a jamais appris à manger la bouche fermée, toi? C'est à toi que je cause. J'ai l'impression d'être à côté d'un camion poubelle. Ah! Non! Le K est passé avant le J, je sais. Et Kik, je dirais. Déconnect. Exactement, exactement. Yes. Et j'ai rajouté du coup un petit bonus pour Jadoul. Konnichiwa. C'est pour toi, voilà. Avoue que c'est ce que je te dis tout le temps, mais avec beaucoup d'amour. Ouais. Ça, mais on va le garder dans la base. On en a aussi, plein. Hein. T'es tendu comme une crampe. Voilà. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Voilà. Je suis fan. Et vous savez quoi? Ça fait partie des films que j'ai longtemps détesté. Moi aussi. Et que j'ai redécouvert récemment, que j'ai fait putain, c'est bien quand même. Moi aussi. C'est incroyable. On a tellement de points communs. Bien. Non, mais. Ah, il se touche carrément. Les mains. Voilà, c'est fait. Alors, moi, j'ai eu les images, les amis, c'est vraiment pas ouf. Heureusement que ce n'est que de la radio. C'était furtif. Bon, c'était rapide, en tout cas, c'était précoce. Un point partout? Oui. Voilà. Ouais. Moi, c'est numéro 3, je vous raconte un film, mais je raconte assez mal. Enfin, à vous de trouver. Donc, c'est l'histoire d'enfants, en fait. C'est des enfants. Et du coup, ils doivent partir de chez eux parce qu'il y a des bombes, en fait. Et donc, du coup, ils vont partir à la campagne. Et ils vont jouer à cache-cache. Ils vont même casser une fenêtre pendant qu'ils jouent à cache-cache. Ils sont super tristes. Oui? La bande à Gaza. Non, ça va, on rigole. Oh là là. Ben non, mais. T'as grillé ton buzzer. Oui. Pour une vanne de merde. Mais vraiment, franchement, ouais, non, tu sais ça. Je peux continuer pour quelqu'un qui veut vraiment jouer. Oui. Donc du coup, c'est des enfants, ils vont faire même une partie de cache-cache et ils vont casser une fenêtre. Et donc du coup, ils vont jouer à cache-cache et une petite fille, elle va se cacher dans une armoire, sauf qu'elle va être engloutie dans l'armoire. Et après, elle va se promener, il va y avoir de l'air, il va y avoir de... Non mais il ne bougera pas lui, donc calme-toi. Dis-moi. Narnia. Exactement. C'était Narnia numéro 1. Ça fait partie des trucs auxquels j'ai jamais adhéré. Mais t'as pas eu d'enfant, Jadoul, l'enfant? Non, j'ai pas eu d'enfance, non. Sa seule série, c'était le JT de 20h. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que j'en avais rien à foutre mais de ce truc. Mais moi, j'ai lu les livres, j'ai vu les films. Toi, je suis sûr, tu faisais des cœurs au-dessus de tes i et tu faisais des dessins sur tes fardes. T'étais girly. Non, oui, non, j'étais un peu torturée, mais ouais. Ouais. Elle était à ça du gothique, hein. Mmh, et maintenant, elle est devenue camionneuse. Je te laisse expliquer avec elle. Je n'aime pas beaucoup. Bon, bah, du coup, bah, ça fait une victoire pour Kix. Bravo. 2 points pour Kix. Tu sais qui peut couper ton truc? Merci. Ce truc qui tournait depuis tout à l'heure. Attends, je vais lui mettre une... Attends, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Il a gagné. Ah, tu veux mettre une musique? Non, c'est pas ça. Ah, ça, c'est pour toi. On se serait cru à la radio. Animation, jour 1. Mon Dieu. Excusez-moi, mais j'ai voulu lancer le jingle et j'avais oublié de le sélectionner. Ça sent la fin. Oh, vous savez, c'est la fin. C'est la fin de saison, ça se sent là. Ah oui, oui. Dans tous oui. les sens du terme. Ah, bah là, je peux vous dire, j'ai même pas prévu la musique qui arrive. Ah, c'est vraiment... Même pourtant, c'est du bon, hein. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Je devais lancer le générique. Ok. Voilà. Juste, voilà, j'ai oublié. Mais t'oublies tout aujourd'hui. Oui, j'oublie tout. C'est pas grave. C'est quoi la chanson Vacances, j'oublie tout. Vacances, j'oublie tout. C'est parce que c'est l'avant-dernière, avant-dernière que tu. Ah oui, voilà. Tu penses aux vacances. Roue libre totale. Non. Bon, tu sais quoi, on va rentabiliser ce petit intermède. Avec. Vacances, j'oublie tout. Avec le bon son. L'heure de gloire de Maëva. Ah! Bonsoir Jadoul. Oh. J'avais pas pensé à ça. Tu fais chaud, non? Ah oui, vraiment très chaud. C'est dû à quoi? Je ne sais pas, il fait froid dehors. Ici, la seule chose que je vois, c'est toi. Il y a aussi Kix? Non, lui, non. Non? Non. Comme moi. Je suis là. Excuse-moi, Kix. Mais... Est-ce que c'est mon accoutrement du jour? Ah oui, t'as mis une belle chemise. Tu pourrais ouvrir peut-être un bouton en plus? Non, ben, je suis toujours là. Ah oui, pardon, désolé, on t'avait pas vu. Oui, bon. Le générique que vous allez entendre a été entièrement fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça fait peur. Bonne écoute du programme. Starts now. Pour vous amuser, pour vous changer les idées, pour vous vider la tête de tout ce début de semaine, là, cette journée. Ouais. C'est plus possible, ça. Non, mais... Assis. Assis, Dobby. Dobby, qui est le chien de Maëva. Oui, mon fils. Oh, j'adore que tu baves. Panier, comme Dobby. T'as mangé une chaussette? Non, lâche la bonnette. Lâche la bonnette. Lâche la bonnette. Aidez-moi. Allez, aidez-moi. Oh. Et si on se faisait les enveloppes? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Les 3 infos qu'il fallait absolument louper cette semaine. On démarre avec cette première. À Rouen, un bus a été évacué. Évacué. Mais c'est un Rouen en France. Faut quand même, oui. C'est maîtrise pas ce soir. Elle a été évacuée. À Rouen, un bus a été évacué après la découverte d'un passager inhabituel à bord. Ok. Non, ce n'était pas Maëva qui prenait le bus. Il y a eu des photos, des vidéos montrant qu'à l'intérieur, l'étrange visiteur installé sur un siège qui provoquait la panique était un piton. Oh là là ! Un piton qui avait été oublié. Alors le propriétaire est vite revenu récupérer l'animal et est reparti en trottinette sans s'excuser. Ok. Piton en poche. Cela dit, c'est peut-être l'une des seules personnes qui peut se vanter d'avoir un gros piton dans la poche de son pantalon. Après ça, tu m'étonnes que sa copine ne veut plus faire l'amour. Car elle préfère crever. Deuxième un flop. Le mec est à côté de la plaque. Deuxième un flop. Chiffre 2. Werner, 74 ans, et sa femme, 64 ans, étaient tranquillement chez eux. Elle passait l'aspirateur. Quand ils ont entendu une énorme détonation. Ouais. Ils ont découvert un gros trou dans le mur. Mais... Et quand je dis un gros trou, c'est un énorme trou. Oui, un tracteur a percuté leur maison. Mais quoi ? Ils sont en Flandre occidentale et là, bam, le tracteur dans la maison. Il y a eu d'importants dégâts, mais aucun blessé. Ah, c'est déjà ça. Oh, information de dernière minute. Oui, le conducteur du tracteur était très très bien connu. Lui-même avait dit avant de prendre le volant du tracteur. Jamais je fais une pierre palmade. Et pan, oh zut. Troisième et dernière flop. Elle s'appelle Christelle. Elle vient de France. Elle a battu un nouveau record du monde à Ergy. Elle a joué pendant 75 heures, 26 minutes et 8 secondes sans interruption de l'accordéon. What? Elle a surpassé son précédent record d'une journée entière. Mais 75 heures. 75 heures d'accordéon. Qui fait ça non-stop, hein, super. Tu dors mal la tête. En plus, c'est lourd un accordéon, je pense. Ouais, et puis le soufflet et tout. Bah, et depuis cet exploit, Christelle a trouvé un nouveau job. Alors non, c'est pas en tant qu'accordéoniste, mais elle gonfle des matelas de camping chez Decathlon en calant la pompe entre ses mains maintenant qu'elle a musclé ses doigts. Et hop là. La vie comme une fête foraine. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Mais comme ici c'est de la radio, c'est pas pratique. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast, tous les mercredis. Et comme chaque semaine, il est temps de se connecter. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils font un vide-grenier en direct. Bon, Guy, on a plein de matériel inutile dans ce studio. Je te propose que l'on en vende certains pour pouvoir récupérer un peu d'argent et au final se débarrasser de ce dont on ne se sert plus. Ah oui, bonne idée, ça, René. Tiens, on va déjà vider cette vieille caisse de câbles. Oh, oh, regarde, Guy. Un disque dédicacé par Josiane Martin. Qui ? Josiane Martin. Qui? Michel Martin? Non, Josiane Martin. Oh, un disque de Mirapolis. C'est pas vrai. On peut l'écouter, René. Allez, allez, allez. Merci, René. Faire notre devoir, c'est notre honneur. Y mettre du cœur, c'est notre honneur. En travaillant, au soleil couchant, jusqu'au plus grand. Qu'on soit, les chapeaux en travaillant, au soleil couchant, et le lendemain dans le ah. Excellent, excellent. Oh, faut pas le jeter, celui-là. On ne peut pas s'en séparer, Guy. T'es d'accord avec moi? Ah, oui. Rangeons ça en sécurité. Oh, par contre, ta caisse de magazines de charme, là, je veux plus la voir ici. Ce ne sont pas des magazines de charme, René. Ce sont mes câbles XLR. Oui, j'avoue, le LLR était un peu caché. Quoi ? Comment ça accélère ? Tu n'as qu'à bouger tes fesses ici. Ce n'est pas à moi de ranger tout dans ce studio. Si c'est comme ça, on va revendre ta collection de planètes de micro-usagers. Oh non, pas ma collection. Oh non, surtout pas cette bonnette. Chantal Goya avait postillonné dedans en 87. Oh, maintenant qu'elle est morte, ça vaut une fortune. Et celle-ci, Dave y a déposé un peu de sang le jour où il saignait de la lèvre. Ah oui ? Bon, eh bien, on n'a qu'à tout garder, à la place de revendre. Oui, bonne idée, Guy. On garde tout. On ne jette rien, on ne vend rien, tout reste ici, tu vois. Oh, c'était pas plus mal de faire un peu de rangement dans ce studio. Eh ben, ça fait du bien, il faut l'avouer, hein. Mais t'es complètement sourd, je viens de le dire. De quoi ? Père notre devoir, c'est notre passion, bonheur. Maître du cœur, c'est notre honneur. Pour qu'un globule soit savant, il doit apprendre en naissant. De Gargantua, à peu près ça. Ça. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. À bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Et bien voilà. Merci Simone. Bonsoir. Bienvenue, il est 21h28. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on aura Dave. Waouh. Elle rit. Mais non, mais on va pas faire le petit hockey boomer, je pense que c'est le bon moment, non? Bah oui. Bah oui. Démarrons. Démarrons, mais moi j'ai besoin d'un petit son pour démarrer. Tu viens, ça me motive. Oh là là, elle me fait chier. Putain, toute la saison, elle aura voulu son truc. Mais bien sûr que oui. C'est comme un petit, je sais pas, un petit coup de boost avant de commencer. Allez, on y va. Je sens des bons. Mais non. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas ça. Oh, elle a coré. Waouh. Franchement, heureusement que c'est de la radio parce qu'elle nous a fait une choré de poulpe qui se réveille. Lop, lop, lop. Fallait la voir, hein, vraiment, la musique a démarré. Et là. Je vous fais découvrir trois informations. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Non, rien, vas-y, continue. Mais non, mais qui est-ce qui est aussi à la ramasse ? Je glissais un mot dans l'oreille de Jadoul, voilà, pour dire que. Ça pour ne moi, te concernait pas. Pour dire que le son est en accéléré. Moi ici, le son est en accéléré. Personne n'a l'impression. Super, merci. Bon, bah, c'est moi qui suis endormi. Les trois infos de la semaine à deviner. Énorme. Alors, pourquoi Justin Timberlake a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi au volant d'une baie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ok, elle dit la réponse, super. Je dirais que c'est peut-être parce que c'est un bad boy. Nous sommes les champions de la fréquence. Wow. On nous connaît, nous sommes tous amis. En Belgique et partout dans le monde, on entend notre voix dans la nuit. Je me suis trompée d'onglet. Ouais. Super. Du coup, Justin Timberlake est un vrai bad boy cette semaine. Pourquoi ? BM, qu'est-ce qui se passe avec la BM ? On voudrait savoir. Mais pourquoi ? Oui, ben vas-y, dis-moi pourquoi. Non, en lien avec la BM. Moi, j'aurais dit de base, peut-être qu'il a fait un nouveau tatouage. Ah, moi, la mienne, elle marche toujours. Visage, Moi, je dirais qu'il a fait une Pierre Palmade. Mais écoute pas. Non, j'irai pas jusque-là. Non, en fait, il a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi au volant d'une BMW, oui, en état d'ivresse. Mais genre complètement saoul du côté de New York. Plus ou moins que toi, là, maintenant ? Mais moi, je suis pas saoul, c'est ça le pire. Ah, oups. Ah. Bon. Et donc du coup voilà, il va devoir s'expliquer en justice. Il a été pris en photo, d'ailleurs il y a sa photo qui circule. Vous savez comme dans les... en Amérique, vous savez, il doit faire la photo là, ouais. Ou avec en tenant le petit truc. Et donc ça circule beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Ah, et ça m'a fait beaucoup sourire. Vous l'avez pas vu ? Non. Ok, super, c'était génial. Question numéro 2. Pourquoi le fisc adore les IA ? On peut faire la liaison ? Les IA ? Les IA, oui on peut. Moi je la ferai moi. À moi ? Parce qu'elle a dit Jadoul. Hein. Ah pardon, j'ai pas entendu. Vous êtes là ? Oui, Jadoul, j'ai dit Jadoul. Eh bien, c'est bien parce que dans le texte, je suis encore deuxième, donc il faut respecter un peu ce qu'on prépare. moi, je dirais parce que le SPF peut nous traquer plus avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Bon, c'est pour ça que j'étais dans le dernier, dans le texte. Mais pas du tout, c'est pas exactement ça la réponse. Et le texte, j'ai pas celui-là, moi j'ai un autre. Tu ah bah oui, madame, mais bon, selon ses règles. Faut faire les mises à jour. Bien, hein. Voilà. Écoute, est-ce que je t'embête quand c'était ces cas ? Est-ce que je viens t'imposer un ordre ? tous une idée? De base, moi j'aurais dit, vu que c'est des IA, peut-être que ça leur évite de se prendre des vraies claques d'humains. S'ils parlent aux IA, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? Jadoul était dans le bon, mais alors pourquoi ils aiment bien contrôler avec ça? Ils peuvent contrôler des piscines, des milliers de piscines cette année-ci, en 2023, ont été découvertes grâce aux IA. Et donc il y a des gens, c'est quelque chose qu'il faut déclarer quand tu as une piscine, parce que tu dois payer un impôt. Et là, le fisc, en gros, a eu plein de personnes à qui il a été dire « Mais bonjour, vous n'avez pas déclaré !» Et donc, ils ont dû payer une grosse amende à cause des IA. Voilà, comme ça, vous savez. Mais on n'arrivera pas à le faire, ça n'aura pas de famille. Donc, attention, si vous avez des piscines, grâce aux IA, le fisc le voit. Troisième information. Est-ce que vous recevez des demandes de femmes sexy sur Instagram? Kix? Oui, oh, mais Eva, ça va. Oui, je vais accepter ta demande. C'est bon. Oh. Ça n'arrête pas et je ne veux pas accepter. Non, mais allez, sérieusement. Est-ce que tu reçois des un peu louches? Tu vois, on dirait que c'est fait et que pas. Je ne suis pas demandé si tu plaisais sur Instagram. Oui, j'en reçois, oui. Monsieur Smoothie. J'en reçois, oui. Des femmes sexy. Et poilues. Mon temps bébé. Mon temps bébé. Alors moi je dirais oui, tous les jours j'en reçois. Est-ce que c'est plus de ces temps-ci ou ça a toujours été parce... Ça a toujours été. Mais alors pour le moment, ce qui est vraiment rigolo, c'est que le nom du compte c'est Svetlana Sex et le nom d'utilisateur c'est Richard Bernard Claudia 2223. C'est vrai. C'est jamais cohérent, ouais. Toi, le nom d'utilisateur et le nom du compte, tu passes de Richard à Claudine. C'est magnifique. Et tu peux voir aussi que sur Insta les noms ont été changés plusieurs fois. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a zéro publication, il y a juste une photo de boobs. Exactement. Et bien, de ces temps-ci, mais alors souvent les garçons ont ça, c'est vrai, enfin, voilà, c'est quelque chose de pas nouveau, mais même moi par exemple, qui, enfin, voilà, ça n'a rien à voir, je suis pas la cible entre guillemets, on reçoit énormément, il y a plein de gens qui parlent de ça sur les réseaux sociaux, qui montrent les captures de leurs notifications Instagram, il y a énormément de faux comptes. Et en fait, comme tu dis, quand tu cliques, soit c'est des photos de meufs un peu sexy, mais si tu vas voir dans les stories, il y a des espèces de liens qui t'amènent. Ouais. Et en fait, mais tout simplement, c'est, enfin voilà, c'est ça. Coup de source, mais ce sont des arnaques. Du et de... fisc. Ah bon? Et en fait, pourquoi ce genre de procédé? Parce que comme ça, elles peuvent utiliser les stories, et les stories, ça disparaît au bout de 24 heures, donc il n'y a plus aucune preuve. Et donc, si en ce moment, vous avez plein de comptes, c'est pas parce que vous êtes plus sexy ou quoi en ce moment, c'est tout le monde reçoit ça, et c'est un gros bug en ce moment sur Instagram, mais Instagram a déclaré qu'il comptait peut-être essayer de réguler ça en dénonçant ces fake comptes, mais bon... Mais c'était déjà le cas à l'époque. Pas très actif ces mois-ci. Il retourne en arrière, en fait. Oui, ça a toujours été, oui. Non, honnêtement, je te jure que moi, non, j'en avais une toutes les lunes. Là, j'ai 3 abonnements par jour de Kiki. Une de toutes les lunes. Et c'est que des femmes, tu vois. Enfin, c'est. Non, franchement. T'as compté combien de lunes? J'en ai vu passer ces temps-ci. Oh. D'ailleurs, et qu'est-ce que tu penses du dernier compte qui t'a ajouté là? Qu'est-ce que t'as vu? Il y a des bonnes grosses burnes. Mais non, c'est que des femmes. Ah oui. Il n'y a pas de grosses burnes. Bah, tu sais, au Brésil, il y a des femmes qui. Il y a des bonnes grosses burnes. Oui, bon, voilà. Donc pas d'inquiétude, mais méfiez-vous, n'allez pas sur les stories. Voilà. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand-chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Wow, on vient de s'ambiancer sur le titre. Ouais. Là. On a tout filmé, Jadoul. La température a monté. Très fort. C'est vrai qu'il faisait déjà si frais ici qu'on avait besoin de ça. Oh, et ça va. Ça va. Ça va. 40e émission de la saison. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment la preuve qu'on n'a pas pris de vacances cette année. C'est vrai. J'allais dire qu'on n'a pas pris une ride. J'allais dire Et on n'a pas loupé une seule émission. Ah non, pas une. Là, on les a toutes eues. Que ce soit durant les congés ou toute autre forme de congé. T'en connais d'autres des congés que. Non, mais bon. On se comprend. Ah ah. On fait quoi, maman? Eh bien, moi, je vous propose qu'on en fassions notre certifié. Ok. Notre certifié cette semaine, il s'appelle Didier. Didier. Didier. Didier. Enchanté. Didier. Ah. Il nous offre un instant de méditation. Moment de méditation qu'il a offert à ses 127 abonnés. Et nous? Et nous, nous allons également en profiter. Vous aussi, auditeurs, de l'autre côté de la radio, laissez-vous bercer par cette expérience. Respirez. Aujourd'hui, je fais une balade en bord de mer. Voilà. Et je marche sur le sable et je remarque que je laisse des traces sur le sable. Et qu'en même temps, je prends moi aussi, sans mes chaussures, du sable. Et je me dis que c'est un peu comme la vie. Ah, les traces de la vie. Et là, Maëva se pose une question. Oui. Laquelle? Quel est le rapport, c'est ça? Oui, voilà. C'est-à-dire que je laisse des traces, des marques auprès des gens que j'entoure, que je rencontre. Et qu'en même temps, je prends aussi un peu de chacun, de chacune de ces rencontres, avec moi. Bah, il y avait une question. Je suis totalement détendue. Mais oui, et pourquoi? Pourquoi? Et dans ma réflexion, je me suis dit qu'il serait bon de laisser les traces les plus douces possibles et de prendre les traces les plus remplies d'amour et de bien, de bien-être, de bonheur avec moi. Ça donne envie de faire des traces. Tu veux un mouchoir? T'as envie de faire des traces. On peut compter combien de fois il a dit traces? Mais vous avez donc compris? Oui, des traces. La trace, c'est la clé. C'est la clé, la trace. Il est là, sur la plage, il a tout compris. Alors, c'était juste pour vous dire que peut-être faire attention aux gens qui vous entourent et à ce que vous pouvez leur dire. Ah oui, sa fille est chiée dessus par une mouette. Ça, c'est le petit détail. Qui ont laissé une trace, du coup. Elle a laissé une trace. Oh. Du coup, fin de la méditation, c'est parfait. Ça va, t'es détendue, wow. Maëva, maintenant. Oh là là. Maëva est pleinement détendue. Oh, purée. Ouh. C'était chouette, ce certifié. Oh, waouh. Est-ce que je serais plus attention aux traces que je laisse? Oui. Est-ce que ça a laissé une trace en toi, ce certifié? Je sais pas. Mais j'espère qu'on ait fait ça pour rien. Mm-hmm. C'est Jadoul. En podcast. Je vous propose qu'on fasse un deuxième jeu de la chanson. Parce ouais. que, en fait, je suis très en forme et on va refaire un jeu de la chanson. Ok. Voilà. Mais enfin, ça sort d'où, là? C'est... Ça fuse. Mais c'est même pas noté. C'est... Oui, mais c'est impro. Production en direct. Wow. Allez, au bout d'autant enfin. De temps, au bout de 40 émissions, tu me surprends encore, Jadoul. Waouh, c'est l'amour fou. Ouais. Attends, je peux encore plus te surprendre? Non, mais mince. J'en fais déjà assez avec le jeu de la chanson. Ok. Alors, jeu de la chanson, je propose qu'on démarre avec Kix. C'est notre amie Lily Tonic ouais. qui anime le jeu. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est notre amie. Et nous allons jouer au... Doudou. Tu te sens prêt? Ouais. Donc le but c'était quoi? De répondre aux questions. Il faut... Tac au tac. Tu te poses pas de questions. Tu dois absolument répondre quoi qu'il arrive. D'accord? Okay. Ce qui me passe par la tête. Okay. C'est ça. On y va. Que fait une lampe quand elle se fait agresser? Elle éclate. Elle crie à l'aide. Quel est le café préféré des Espagnols? Un olé. Le café olé. Yes. Que dit un kangourou quand on lui demande comment s'est passé son examen? Youhou. C'est dans la poche. Ah. Comment appelle-t-on un chien qui vend des médicaments? Un pharmacien. Un pharmacien. Allez, chante. Pas mal. Merci. Ouais, franchement. Franchement, tu t'en es bien sorti. Ouais. Elle est prête? C'est le même genre? Allez. La même chose. Ah. Pourquoi les grenouilles aiment bien mettre leurs fesses dans la flotte? Pour faire quoi? Pour avoir la rainette. Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui fait piou-piou? Un zèbre. Une vache qui imite un poussin. Pourquoi l'échalote dit allô? Allô? À l'ail? Parce que l'ail faune tire sur mon doigt. Que c'est marrant, j'aime l'humour. On chante. Je aucune, à part peut-être le prout. Et bravo. Attends, retire un peu sur son doigt. Bravo. Waouh. Impressionnant. J'adoule. Tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de soucis. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je suis complètement à côté. Il y a plusieurs possibilités, ouais. Mais je ne sais pas ce que tu as préparé. Donc Ah, tu n'es pas dans ma tête. Non. Sachant qu'il inverse un peu toutes les séquences. Depuis tout à l'heure, oui, je fais un peu cette émission comme un bon apéro. Ça veut dire tu choisis ce que tu veux quand t'en as envie. Ouais, bah c'est bien. Eh bien, vous savez quoi? J'ai décidé que l'on va faire maintenant notre perdu sur l'Internet. Ok. Allez. Notre merveilleuse équipe a 7 jours entre chaque émission pour se perdre dans les bas-fonds d'Internet. Ouais. Et on nous a dégoté encore une très chouette vidéo. Vous connaissez le principe du jeu, 3 possibilités de vidéo, et c'est à vous de me donner la bonne réponse. En plus, vous n'êtes que 2 à jouer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc il y aura forcément, peut-être, un perdant. Écoutez les propositions. Tristan en immersion à Charleroi. Tintin contre ses voisins. La rhubarbe, c'est pas barbant. Maëva ? Eh ben, écoute, il y a un truc par rapport à TikTok, c'est la rhubarbe, c'est pas barbant en ce moment. Ok, d'accord. Rhubarbe, donc. Oui, c'est Barbara qui fait une tarte à la rhubarbe. Je connais pas. Je sais pas, j'aime bien l'idée de Tintin. En plus, avec les maillots de la Belgique et tout, actuellement, ils ont les maillots de Tintin. Donc... C'est vrai ? Ouais, ouais. Ah, bravo. Donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. Allez, on découvre. Vous êtes perdu sur Internet. Personne n'a la bonne réponse. Oh, et il s'agit... Allez, on change de séquence. De Tristan. Allez, c'est fini. Il s'agit de Tristan. Ah. Okay. En immersion à Charleroi. Un petit millier d'abonnés sur YouTube. Oh. Voici l'instant Tristan à Charleroi et... Qui dit Charleroi dit... Marc Dutroux. Mais pas que. Mais... Il débarque dans une maison bien connue de la région pour rencontrer une légende. Enrico ? Ah, c'est ici. Ah oui. Ah oui. La plus grande télévision du monde. La télévision. Attends, parce que enlève le peignoir, Adi, faut être beau gosse. Alors, ça sature un poil quand le youtubeur s'emballe. Pour un mec qui a bien l'accent de Charleroi, il fait genre, il découvre. Mais ils se font super bien dans le personnage de Charleroi, je trouve. Tu veux boire un café? Alors moi, je meurs de soif, j'ai la bouche à s'entendre. Ah, tu veux du spa ou Serge? Bah, je sais pas moi ce qu'il veut. Coca? Il y a des bouteilles de coca, hein? Tu veux du coca ou du café? Je ne sais pas. Un café et une eau. Ah, bah oui. C'est possible? J'ai une bouteille d'eau, s'il faut. Oui, oui, non, lui... Non, bah tout à fait, mais par rapport... Oui, est-ce que t'as acheté des timbres? Oh non, j'ai plus de jambon. Hey, Serge, je voulais un café. Non, mais peut-être que... Wow. Calme, bien accueilli mais très speed hein. Le mec est speed et perdu. Il est de ta famille, Kix? Bah écoute, je me pose vraiment la question là actuellement. Il y a des télévisions qui sont venues. Je suis passé sur RTL. Ah ouais. Avec Julien Lapraille et Mamie. Allez. À Charleroi, bah c'est ici. Ok. Des télévisions, j'en ai plus de 450 passages TV dans le monde. Ah ouais. J'ai fait La Nouvelle Star, j'ai fait RTL, Souriez si c'était vous, ça alors. Et Lio, Banana ouais, Speak, banana, a été lancé par mes producteurs à moi. Ah ouais. Ah, wow. C'est pas n'importe qui. Est-ce que le CV s'arrête là? J'ai eu des contacts avec la Maison Blanche, hein, moi. Oh. Là, avec Ronald Reagan, président Reagan. Sérieux, Ronald Reagan, c'est... Oui de... Ah oui, pendant 5 ans. Ronald Reagan voulait faire un raid américain sur l'Europe. Et si l'Europe aurait bougé, c'était parti pour une troisième guerre mondiale. Donc t'as évité une guerre? Oui, et 2 fois. Hein. Mais what the fuck? N'importe quoi. 2 fois. Et il a sauvé le monde. Et ça s'arrête pas là. Après, j'ai eu Bush, le papa Bush. J'ai eu Margaret Thatcher, j'ai eu le Vatican, un bébé, hein, aussi, j'ai trouvé un bébé aussi, hein. C'est fou, t'avais ton singe, quoi. J'avais prédit en 2006 un virus qui allait faire son apparition en 2006. Le Covid. Et ça a été le Covid. Voilà. Mais en plus de ça, il est dans sa 30e année de formation de roi du monde, il est le représentant de Dieu sur Terre, ouais. Et il a chanté également l'avenir de Cécile de France. Je voudrais voyager dans un monde de rêve et de réalité. Je suis en train de lui faire son avenir. Okay. Ça recommence à saturer, Tristan. Mais je te préviens. Eh bien voilà, ça c'est la dalle qui a été lancée du pont ici. J'ai failli l'avoir sur la tête. Bon, à mon avis, c'est déjà arrivé. C'est peut-être déjà arrivé parce que ça expliquerait des choses. Tu vois. Et il est oublié, en fait. Mais je trouve ça génial parce que Enrico, là, il a toujours une histoire à raconter. Ouais. C'est fou. Bon, la semaine prochaine. Alors avec mes deux nouveaux meilleurs amis, nous sommes à la recherche de Johnny Cadillac. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Oui, la semaine prochaine, dans le certifié, on va avoir la suite de la rencontre de Tristan, mais cette fois-ci avec Johnny Cadillac. Hey, tu sais que j'ai déjà rencontré en vrai, Johnny. Moi aussi, mais... Pourquoi je suis le seul à pas l'avoir vu? T'as jamais vu Johnny Cadillac? Jamais. Alors tu veux son numéro? Parce que je pense que le mec est facilement accessible. C'est vrai. Je sais qu'il était présent pas très très loin de par chez nous, en tout cas. Fait des concerts dans des Ducasse. Bah ouais. Et dans des Wok. Non. Si, il a fait un concert dans un Wok. Bah, tu sais, quand Francky Vincent fait la tournée des Camping Paradis, que Johnny Cadillac aille dans un Wok. C'est vrai. À volonté, j'espère, le Wok. Moi, j'imagine, j'espère pour eux. Mais t'y étais, t'es censé savoir. Mais non, j'y ai pas été, l'ai vu sur les réseaux. On a vu la pub. Oh. J'ai vu sur les réseaux sociaux avec une belle vidéo. Ah oui, bah t'es abonné à Johnny Cadillac. Ah bah, un la totale. Hein. Volonté. Et. Pas toujours. Hein. T'as des woke qui te la mettent à l'envers. Hein. Je pense qu'on devrait débattre sur les woke. Eh ben on fait ça. En antenne, on fait ça. Ouais. Oh bah oui, Julien Lapraille, RTL, avec mamie. Mais oui. Je suis passé sur RTL. Ah ouais. Avec Julien Lapraille et mamie. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Retour du top 5 des expressions qu'on entend le plus au bureau. Ok. Par exemple, je te fais ça. C'est qu'au bureau qu'on entend « je te fais ça ». Je te fais ça tout de suite. Je te fais ça, je te fais ça. Un mail récap de la réunion à laquelle t'as pas voulu participer à la dernière minute. Je te fais ça. Ouais. Après, c'est pas comme si j'avais le choix, tu vois. C'est vraiment, quand bah tu oui. dis « je te fais ça », c'est « oui, oui, monsieur ». D'accord. par exemple, en 4, on a aussi « c'est noté ». C'est vrai. Alors, bon, dans ma tête, c'est un post-it qui va s'envoler très rapidement. Mais... c'est noté est un concept plutôt sympa. Quand je sais que Kix me dit c'est noté, ça veut dire rappelle-le moi dans 2 heures. Oh, au moins. En 3, j'ai un call. Oh non, moi je dis pas ça. Ah, ça m'énerve. Ah ben ça, c'est la meilleure excuse au bureau pour éviter une longue discussion avec Béatrice quand on choisit du dossier avec la police. Non, on devrait pas mettre du comics sans MS, mais plutôt de l'Arial 12. Attention néanmoins à pas trop en abuser de j'ai un call, je peux pas. Alors il y a le pire, c'est le doublé. J'ai un call, je te fais ça à zap. Oh non. Ça tend, ouais, hein. Ouais, c'est fou. Ça tend, on est d'accord. En 2, c'est good. Mais qui fait ça? Si vous utilisez cette expression en dehors du bureau, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas good du tout, par contre. C'est ragard. C'est même... ouais, c'est dépassé. C'est good. C'est good. En numéro 1, un truc que vous m'avez jamais entendu dire, parce que moi, je sais ce que je vous mets dans la gueule. Sauf erreur de ma part... Ah oui. Quand ça commence comme ça, ça veut dire je sais que j'ai raison, c'est passif et agressif, ça fait son effet. Ça sent pas bon pour votre pause déj, hein. Sauf erreur de ma part. Tu n'as pas rendu le dossier hier avant minuit. Il y a pire, hein. Je sais pas si vous avez la même chose que moi. Je viens de me rendre compte de quelque chose. Mais ce qui est jouissif, c'est quand il arrive, enfin le patron quoi arrive, sauf erreur de ma part, et là tu lui prouves par A plus B que c'est lui qui a pas vu, ouais. Et tu peux le casser, et ça c'est, oh, c'est mon plaisir. Je suis d'accord avec toi, Maëva. Ça, c'était un plaisir. Ah, pardon, c'était pas un vrai fait. C'est pour ça que tu te ligues tout le temps contre moi. Oui, parce que, sauf erreur de ma part. C'est Jadoul. En podcast. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Comme chaque semaine, tout vient de TikTok, c'est des reprises. Il faut simplement reconnaître titres artistes originaux. Ok. Kix va jouer. Ouais. Maëva aussi. Tout ça sous le contrôle d'un nouvel huissier de justice. Quoi ? Alors, de ce que j'ai compris, c'est Maître de l'Ordre qui dicte la loi. Bonsoir, Maître de l'Ordre. Bonsoir, comment ça va, ici ? Enfuré. Arrêtez ! Il a son porte-voix. Ça va, Maître de l'Ordre ? Je vais très, très bien. Vous êtes heureux, vous êtes joyeux? Je suis toujours heureux, bah toujours rien. Ok, bon ben, on est content de vous avoir avec nous. Je vous présente Maëva. Bonsoir Maëva. Bonsoir maître de l'ordre. Voilà, et moi c'est Jadoul, enchanté. Bonsoir Jadoul. Et maître de l'ordre, dites bonsoir à Kix. Bonsoir Kix. Kix, dis-lui bonsoir. Bonsoir. Ah oui, si ma voix parle dans son micro, ça va pas le faire. Non, c'est mieux à croire que c'est la même personne. On y va, on se fait la première manche. C'est pendant la guerre civile que j'irai mourir au champ de cygne, danser dans la vie des filles, celui qui n'existe pas. J'irai tout seul là-bas, ça ne les regarde pas. Je n'aurai besoin de personne. Allez-y! De personne, mais sauf de toi. Les salauds, les Indochine! Ouais. Oh, what? C'est la dernière, non? Ouais! Et franchement, Johan, il chante bien. Les salauds, les héroïnes. On y va, on se fait la deuxième manche. Derrière des barreaux, pour quelques mots, qui pensaient si fort. Ah, purée. Ah non, voilà, il fait chaud. Purée. Ah, Diego. Oui. Attends, Johnny. Diego, vive dans sa tête. Ah, Diego. Ah oui. Libre dans sa tête. Vous le trouvez pas bien? Quel est ce pays? Oui, on va peut-être en rester là. Merci, Eon. Déjà mort, peut-être. Thanks a lot. I'm kissing you. Il est innové. Maître de l'ordre, on en est où au niveau des points? Ça fait un partout. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est, j'ai mal aux oreilles là. C'est... Heureusement qu'il a un haut-parleur en plus. Hein. On y va, troisième manche. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. Elle sature. Hein. C'est fou ce qu'on s'aimait. Nous pouvons ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné le bonjour de mes jours. Oh la vache. Je ah c'est sale. Avec ce son de stéréo. On dirait les gens qui chantent en karaoké dans les camps. Allez Allez. Barton, je sais pas. Non, en S, c'est ma vie, c'est le titre. Personne ne l'a. C'est ma vie. Ah oh c'est ma vie. Salvatore Adamo. Ouf. Ah. C'est ma vie. J'aime bien, il y a un grain de voix, écoutez-moi ça. Alors, généralement, quand on fait un bouche à bouche au micro, c'est mauvais signe. Je dis ça, je dis rien. Avant-dernière manche. Ouais. Oui. Et qui c'est? Notre pote. Daddy Miles. Tout à fait. Yes. Daddy Miles. Ah, et yeah, la right. Guitare acoustique. Chanson en poème et poésie. J'ai pas le style. On s'attache, Christophe Maé. On s'attache. Wow. Et qu'on s'empoisonne. Version de Daddy Miles. On s'attache et qu'on s'empoisonne. Yeah, yeah. Yeah. Avec country. Une flèche qui nous illusionne. Non, non, faut pas. On s'attache et qu'on s'empoisonne. Partez, ce maître de l'ordre qui dicte la loi. Fight for my life! Entre Combien pour Maëva? 2. Ok, et pour Kix? 1. Et pour Jadoul? 0. Pourquoi? Continuez. Ok, d'accord, très bien. Il est vénère le type. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Ça change. T'aimes juste la musique. Oui. Voilà, dès que c'est un peu rock. Hein. On se fait la dernière manche? Ouais. Finale. Retour de Cerise Guitare. Ah. Concentrez-vous, vous aussi jouez de l'autre côté de la radio. Force de se voir, on ne se voyait plus. Éteins la lumière. Ah, Axel Bauer. Et c'est fort, Maëva, en 5 secondes, elle a trouvé le truc. Éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi. Ah, c'est très bon, hein. Cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Allez, on veut le grand résultat, allez-y de manière crescendo, s'il vous plaît. Yeah, je vais mettre de l'ordre dans les résultats avec Kix. Qui a un point et puis Maëva, 1, 2, 3, 3 points pour Maëva. Merci maître de l'ordre. C'est très fort ça. Bah, bravo, félicitations. Bah, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. On vous souhaite forcément beaucoup de belles choses pour la suite. Maître de l'ordre, on le retrouvera peut-être un jour. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Vous nous retrouvez partout en podcast sur toutes les plateformes. C'était Jadoul et toute son équipe. Yeah. Bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Jadoul revient mercredi prochain.